C'est la chanson du zèbre. Suis un zèbre qui zozote, t'habites une roulotte, une petite maison, faire des ricolotes. Un petit ferrant, j'ai un problème avec mes dents. Et en plus de tout ça, je suis né tout blanc. Je n'avais pas une seule rayure, dans la vie c'était très dur. Arrêtez tout.